Cela fait plus d'un an que le monde a connu un changement global suite à la Covid-19. Même après l'année pandémique 2020, les milliardaires du monde entier sont plus riches qu'ils ne l'ont jamais été, bien que les estimations de leurs gains collectifs varient. Selon Forbes, la fortune collective des milliardaires du monde est passée de 8 000 milliards de dollars à 13 100 milliards de dollars. Je dois dire que l'année 2020 n'a pas été si mauvaise après tout, puisque le nombre total de milliardaires est passé de 660 à 2755. Pendant longtemps, j'ai pensé qu'il fallait être vieux pour être milliardaire, et si vous êtes probablement milliardaire à un jeune âge, vous avez probablement hérité de l'argent de vos parents super riches. Eh bien, la vérité est que les plus jeunes milliardaires d'aujourd'hui ne sont pas seulement des héritiers comme je le pensais, mais aussi des self-made. Nous avons trouvé 10 milliardaires âgés de moins de 30 ans. Ces 10 jeunes milliardaires valent une somme collective de 29,5 milliards de dollars, soit 13 milliards de plus qu'il y a un an. Dans cette vidéo, nous examinons les jeunes les plus riches du monde et la manière dont ils ont constitué leur immense fortune. Sam Bankman-Fried. Vous vous demandez peut-être qui est Sam Bankman-Fried et comment il a pu figurer sur la liste. Ce PDG basé à Hong Kong n'est pas un héritier de la vieille école, mais un Américain d'origine qui a bâti sa fortune dans le monde avant-gardiste des crypto-monnaies. Âgé de 29 ans, Bankman-Fried est né à Stanford, en Californie. Bankman-Fried est un ancien trader d'ETF de Wall Street qui a construit sa fortune massive en crypto à une vitesse étonnante, ayant lancé à la fois la société de trading Alameda Research qui gère 2,5 milliards de dollars d'actifs et la plateforme de trading de dérivés de crypto FTX en 2019. Selon Forbes, Sam Bankman-Fried vaut 8,7 milliards de dollars, mais ce chiffre pourrait devenir beaucoup plus important. Bankman-Fried adhère à un principe philosophique qui encourage les gens à maximiser l'impact social positif qu'ils ont. Il affirme que son objectif est de gagner le plus d'argent possible afin de pouvoir en donner le plus possible. Lors des élections américaines de 2020, il a donné 5 millions de dollars à un super PAC pro-Biden, ce qui fait de lui l'un des plus gros donateurs du président. En tant que milliardaire, on s'attendrait à ce que Bankman-Fried ait un style de vie somptueux, mais malheureusement, il vit comme beaucoup de millennials. Il partage un appartement avec des colocataires et porte des t-shirts et des shorts pour aller travailler. Bankman-Fried se décrit comme un bourreau de travail. Il passe la plupart de ses nuits au bureau et ne rentre chez lui que lorsque les employés en ont assez de sa présence. Il part rarement en vacances car tout comme un logiciel inactif, votre cerveau est moins efficace après une longue pause. Stanley Tang. Si vous aimez les plats à emporter, vous devez connaître DoorDash, mais ce que vous ne connaissez peut-être pas, c'est le cerveau qui se cache derrière, Stanley Tang. Stanley Tang est un entrepreneur technologique milliardaire de Hong Kong. Il est surtout connu pour être le cofondateur et le chef de produit de DoorDash, qu'il a créé avec Tony Xu, Andy Fang et Evan Moore en 2013. L'entreprise exploite l'internet pour aider les propriétaires de petites entreprises hors ligne à augmenter leurs ventes en offrant une meilleure expérience client. L'application de livraison de nourriture est devenue plus répandue et plus précieuse que jamais pendant la pandémie. Elle est entrée en bourse à la New York Stock Exchange au début du mois de décembre 2020. Tang est un entrepreneur dévoué qui crée des entreprises depuis qu'il est enfant. À 14 ans, il est devenu un auteur de best-seller. Tang est titulaire d'une licence en informatique de l'université de Stanford. Il a grandi à Hong Kong et réside maintenant à San Francisco. Tang possède environ 4% de son entreprise, ce qui fait que la valeur nette de Tang est estimée à 2,2 milliards de dollars en décembre 2020. Lorsqu'on lui demande quel conseil il donnerait aux entrepreneurs, Tang répond que c'est plutôt un choix personnel. Vous finissez par créer deux types d'entreprises très différentes. Se lancer seul permet d'avoir un meilleur style de vie. Vous avez plus de liberté, mais il est également plus difficile et plus lent de faire évoluer votre entreprise. D'un autre côté, si vous levez des fonds, vous avez soudainement des investisseurs, des employés, et vous êtes obligé de vous développer. C'est la seule façon pour les investisseurs d'obtenir un retour sur investissement. Gustav Magnar Widzo. Ce jeune homme de 28 ans possède près de la moitié de Salmar ASA, le producteur de saumon norvégien fondé par son père en 1991. En 2013, le père de Magnar lui a transféré 47% de l'entreprise afin d'éviter une lourde facture de droits de succession. Actuellement, sa valeur nette est de 4,4 milliards de dollars. Widzo est également un investisseur dans les startups technologiques et dans l'immobilier. Il travaillait auparavant pour MGM Property et a investi dans Gopi et Key Butler. Il est mannequin réputé, signé par l'agence norvégienne T-Model. Avec 130 000 followers sur Instagram, Widzo affiche son style de vie coûteux et somptueux. Widzo se décrit comme un garçon ordinaire, qui aimerait garder les choses privées. C'est probablement dû au fait que j'ai été poussé sous les feux de la rampe. C'était très étrange au début. Cela vous rend un peu nerveux de savoir ce que les gens pensent. Mais il s'est fait à l'idée d'être un personnage public. Il a également avoué que ses parents regrettent de lui avoir cédé le contrôle de Salmar alors qu'il n'avait que 19 ans. Ils pensent qu'ils auraient dû prendre plus de temps pour y réfléchir. Ritesh Agarwal. Cet Indien de 27 ans est un autre milliardaire autodidacte qui vaut 1,1 milliard de dollars. Il est le fondateur et le PDG de l'entreprise d'hôtellerie et de l'application Oyo Rooms. Son entreprise possède un réseau de 2200 hôtels opérant dans 154 villes indiennes, avec des revenus mensuels de 3,5 millions de dollars et 1500 employés. Agarwal a quitté l'université après avoir gagné 100 000 dollars de la Thiel Fellowship, un programme financé par l'investisseur technologique milliardaire Peter Thiel, pour fournir des subventions aux entrepreneurs en herbe, 100 000 dollars sur 2 ans, pour développer leurs idées commerciales. Il a fondé Oyo Rooms en mai 2013. L'entreprise, qui est actuellement évaluée à 10 milliards de dollars, fournit un moyen de réserver des chambres abordables et standardisées pour les voyageurs qui devaient faire des compromis sur l'emplacement, la qualité et les prix des hôtels. Agarwal est un entrepreneur à succès qui a remporté de nombreux prix et reconnaissances, notamment le prix Business World Young Entrepreneur. En 2016, il a figuré dans la liste annuelle des 30 Under 30 de Forbes. Austin Russell. Dans le monde des voitures à conduite autonome, le nom d'Austin Russell se distingue. Ce Californien de 26 ans est le plus jeune milliardaire self-made du monde. Oui, vous avez bien entendu, le plus jeune milliardaire autodidacte du monde grâce à sa société Luminar Technologies. Luminar Technologies est une start-up de la Silicon Valley qui fabrique des capteurs LiDAR pour les voitures à conduite autonome. En décembre 2020, Luminar est entré en bourse, faisant de lui le plus jeune milliardaire self-made. Son entreprise fabrique des capteurs et d'autres technologies pour les véhicules autonomes. Ces capteurs aident aujourd'hui les voitures autonomes des clients tels que Volvo et Toyota en faisant rebondir des faisceaux laser sur des objets proches et sur l'environnement des véhicules. Avant d'atteindre le statut de milliardaire, Russell avait déjà plusieurs réalisations notables à son actif. Il a mémorisé le tableau périodique des éléments à l'âge de 2 ans. En 6e, il a appris à connecter sa console de jeu Nintendo DS à un téléphone portable. À 13 ans, il a déposé son premier brevet pour un système de recyclage des eaux souterraines qui récupère les eaux usées des arroseurs et les conserve pour les réutiliser. Au lieu d'aller au lycée, il passe son adolescence à l'université de Californie, au Beckman Laser Institute d'Irvine. Il est admis à Stanford pour étudier la physique, mais Russell abandonne cette université en milieu de première année après avoir reçu une bourse Thiel de 100 000 dollars pour lancer Luminar Technologies. Le milliardaire Peter Thiel fait partie des investisseurs de Luminar et est son conseiller depuis la création de l'entreprise en 2012. Katharina Andreessen, 25 ans, et Alexandra Andreessen, 24 ans. Les sœurs Andreessen ont chacune hérité de 42% des parts de Ferd, alors qu'elles n'étaient que des adolescentes. Ferd est une société d'investissement norvégienne fondée en 2001. Elle est détenue par Johan Andreessen, le père. Ses origines remontent à 160 ans, lorsque l'arrière-arrière-grand-père d'Andreessen, également appelé Johan, a acheté une société de tabac appelée Tiedemans, qui est devenue la base de l'entreprise familiale. Dans les années 1990, la famille a décidé que le tabac n'était plus secteur dans lequel elle voulait s'engager. Elle a vendu ses intérêts dans le tabac et a créé Ferd, qui détient des participations dans toute une série d'entreprises. Leurs participations dans Ferd ont été déclarées publiquement à leur 17e anniversaire. Forbes a écrit que la famille Andreessen a probablement bénéficié d'avantages fiscaux en transmettant de grandes quantités de richesses à leur fille à un jeune âge. Bien que les sœurs aient hérité d'une énorme richesse, leur père a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de forcer ses filles à participer à l'entreprise familiale. « Je leur permettrai de choisir en tant que personne et non en tant que robot préprogrammé », a déclaré Johan Andreessen. En dehors de leur riche héritage, les sœurs semblent être au sommet de leur art dans leur carrière. Alexandra est une cavalière professionnelle qui a remporté plusieurs prix internationaux de dressage et est sponsorisée par les marques équestres Kingsland et Samshield. Katharina a étudié au Collège Université d'Amsterdam et a fait un stage chez Ernst & Young. Elle travaille actuellement en tant que coordinatrice marketing pour la société norvégienne d'articles de sport Brave. Katharina, la plus jeune des deux sœurs, semble plus à même à suivre les traces de son père en dirigeant l'entreprise familiale. Bien que les sœurs aient affirmé que leurs parents leur ont appris à ne pas faire étalage de leur richesse, elles parviennent tout de même à profiter de leur statut de milliardaire, comme en témoigne leur profil Instagram qui montre les deux sœurs profitant de vacances ou faisant étalage de vêtements comme Gucci. Katharina a déclaré que leurs parents leur ont appris à ne pas vivre de manière trop extravagante. « Papa a une règle selon laquelle nous pouvons acheter une belle voiture, mais elle doit être d'occasion. » Alexandra a mentionné dans une interview qu'elle économise son argent tout le temps, qu'il s'agisse d'un cadeau, de son argent de poche ou des prix en espèces qu'elle gagne dans les compétitions équestres. Elle admet que l'argent est une nécessité, mais ne veut pas qu'il devienne quelque chose qu'elle doit utiliser en abondance. Les sœurs Andreessen sont connues pour être des femmes influentes, qui soutiennent des organisations à but non lucratif et font des dons à des œuvres caritatives. Wang Zilang. Ce jeune homme de 24 ans vaut plus de 1,3 milliard de dollars. Sa fortune provient de la société CHTI. Cette société est le deuxième plus grand producteur de pigments de Chine, avec des sites dans les provinces de Gansu et d'Anhui. Elle produit du pigment de dioxyde de titane, un pigment blanc qui peut être utilisé dans les vêtements, les plastiques, l'encre et d'autres matériaux. Wang est le plus jeune milliardaire d'Asie. Il a également des participations dans le groupe Lomon Billions. Le milliardaire semble faire profil bas et n'est pas présent sur les principaux réseaux sociaux, ce qui contraste fortement avec les autres milliardaires de cette liste. Nous espérons voir plus de Wang Zilong dans un avenir proche. Donc voilà, il n'est pas nécessaire d'être super vieux pour devenir milliardaire. Et au cas où vous vous demanderiez comment gagner un milliard de dollars avant 30 ans, la première étape est d'hériter d'une fortune familiale massive et boum, vous êtes milliardaire. Quel style de vie de milliardaire allez-vous adopter? Qui, selon vous, devrait figurer sur cette liste? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un like et abonnez-vous à King Luxury. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.